directement du mois de janvier 2007. Bienvenue à C'était fou. Bonjour et bienvenue à une autre édition de C'était fou, je m'appelle Mathieu Plante. C'était fou a pour mission de se frayer un chemin à travers la discothèque de C'est fou depuis ses débuts le 7 septembre 1997. À chaque fois qu'on se rencontre, une semaine est choisie, cette fois-ci c'est celle du 19 au 25 janvier 2007. On entendra des extraits des top 3 francophones et anglophones avec des artistes et des groupes tels que Malajube, Hello Operator, Patrick Watson, I'm a Robot et Vulgaire Machin, mais on débute l'émission. Je dois vous dire, non, on a aussi un extrait d'une émission qui était en onde pendant la semaine choisie. On parle, dans ce cas-ci, de l'émission « Dans la forêt de Bambi ». Hein? Tout à l'heure, on va entendre ça. On a aussi un autre extrait d'une émission surprise. Je n'annonce pas ça tout de suite. C'est une surprise. En fin d'émission. Et il y a aussi un bloc pub rétro dans cette édition de C'était fou. Bon, le compte est fait. Alors, une belle heure de nostalgie pour les habitudes C'est fou et des découvertes pour ceux qui nous découvrent encore. On débute avec le top 3, évidemment, dans cette première demi-heure. Du côté anglophone, la position numéro 3 est occupée par Patrick Watson et Giver sur l'album Close to Paradise. Mais on débute avec Xavier Caféine sur l'album Gisèle. Voici 1, 2, 3, 4. Ah, c'était fou au 89.1 FM. Je suis un agent de la peur, je suis alerte rouge, je suis le téléviseur, je suis le fils de Bush, je suis un ordinateur, un virus à la con, je suis manipulateur, je vis dans la maison. Je me fais des amis. Je suis un petit moteur, bois de la gasoline. Je suis un petit chanteur à Star Academy. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je suis un aviateur de la 14-18. Les avions à réacteurs, les pays d'Arabie, le danger par les couleurs et les grippes d'Asie, les maladies du cœur et la cigarette aussi. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je suis un petit chanteur à Star Academy. Je suis manipulateur, je suis le téléviseur. Thank you. just me or do you feel a change? And there isn't me. How about you? Isn't it strange at times a little fast? Isn't it strange and nothing ever lasts? And there isn't me. numéro 2. Un gros bloc de 4 pièces à C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou, hein, dans le mois de janvier 2007, la semaine du 19 au 25 janvier. On est dans l'ordre de ce qu'on a entendu, donc dans l'ordre chronologique, ça va être plus simple que de commencer par la fin. En position numéro 3, francophone, on a entendu Caféine avec 1, 2, 3, 4 sur l'album Gisèle. C'est son album le mieux coté par plusieurs. Et puis le plus récent de Xavier Caféine s'appelle Bushido, sorti en 2009. Ensuite, on a entendu Patrick Watson avec Giver du côté anglophone. Puis les deuxièmes positions de chaque côté. En franco, c'était Malajube avec Fille à plumes, probablement leur pièce la plus élevée, la plus lourde. Et puis en anglophone, on vient d'entendre Hello Operator avec So Free sur l'album qui s'appelait aussi Hello Operator, une pièce que j'aimais beaucoup. Ah, en fait, j'ai même pas mal tout ce bloc-là au complet. Moi, en 2007, j'aimais beaucoup les palmarès, on dirait. On est rendu aux positions numéro 1, mais avant la position numéro 1 de chaque côté, francophone et anglophone, pour la semaine du 19 au 25 janvier 2007, on va aller entendre notre petit bloc pub rétro, diffusion originale, 25 janvier 2007. L'Université du Québec à Trois-Rivières, une université pour la disponibilité des professeurs, la qualité des programmes, la vie sur le campus. Saisissez l'occasion de découvrir l'UQTR lors de la journée porte ouverte le samedi 27 janvier de midi à 16h. Sur place, responsables de programmes professionnels et étudiants animeront une trentaine de stands d'information sur les programmes d'études, les services et les activités culturelles et sociales. Des visites guidées permettront de voir les pavillons, les laboratoires, le centre d'activités physiques et sportives et les résidences. L'UQTR, une université pour moi. Informations et admissions à www.uqtr.ca. Tous les jeudis soirs à 19h, moi et mes amis, on aime bien enlever nos vêtements hors et se retrouver nus entre copains pour écouter les jumeaux musicaux. Et en plus, ils ont une voix très sensuelle. Ah, tiens, les voilà. Tous les jeudis soirs, laissez les tracas de côté et écoutez sans prétention la meilleure émission Internet Brit, mais aussi la seule, de la grille horaire de Sifu, les jumeaux musicaux. UQTR en spectacle est de retour cette année pour une troisième édition. T'es étudiant en UQTR et t'as le goût de t'investir dans un événement qui fait la promotion des arts de la scène et de la langue française? UQTR en spectacle, c'est pour toi. Dépêche-toi et envoie ta candidature avant le 2 février 2007. Le formulaire d'inscription est disponible sur notre site internet au www.uqtr.ca/en-spectacle. C'est ta chance de faire partie du spectacle. Vous êtes assez fous. 89.1 FM. C'était notre bloc pub rétro, diffusion originale 25 janvier 2007. Vous avez remarqué ma voix dans la pub publicité, oui, d'université en spectacle, ou UQTR en spectacle, je sais pas trop. Ma voix était vraiment plate à ce moment-là. Je trouvais ma voix tellement pas divertissante, j'avais pas l'air dedans. Mais c'est pas grave. Le fait intéressant sur cette publicité-là, c'est que vous avez entendu la chanson thème des palmarès qu'on utilise depuis ce temps-là. Je crois que la session juste après cette pub-là, j'ai comme un petit peu piqué la chanson de cette publicité-là qui avait pas joué tellement longtemps. Et je me la suis approprié pour les palmarès. C'est fou. Donc, voilà. Et pour les jumeaux musicaux qu'on a entendu juste avant, c'était évidemment une émission qui était en onde depuis très très longtemps, mais après ça, Mathieu Leblanc-Houl a repris une émission tout seul, et c'est La Spirale qui est encore en ondes en ce moment. Voilà donc pour notre bloc pub rétro, on aura deux extraits d'émissions qui étaient en ondes pendant la semaine du 19 au 25 janvier 2007, plus tard dans l'émission, mais pour l'instant, voici nos positions numéro 1 en anglophone, c'est I'm a Robot avec Disconnect, et on commence avec Vulgaire Machin, et voici Compter les corps. Vous êtes assez fou au 89 FM. Tout seul, je veux pas mourir de honte, en petites miettes sur les seuils, compter les corps qui tombent, je veux pas rester tout seul. Je faisais mal, mais la vérité est encore pire. Les imbéciles se convertissent par millions et les escrocs gagnent du terrain. Les architectes nous dessinent une illusion et l'indifférence nous trace le chemin. Je compte les corps tombés comme des feuilles mortes sur le songe faisait mal, mais la vérité est encore pire. Les assassins nous dessinent une illusion et l'ignorance nous trace le chemin. Je compte les corps tombés comme des feuilles mortes sur le terrain. Seul, je regarde mourir le monde en petites miettes sur we'll touch with a human being? Please speak up, sir. I can't hear you. A human... I'm gonna have to get my supervisor. What do you mean? Please hold. What? Les potions numéro 1 de chaque côté pour la semaine du 19 au 25 janvier 2007 dans C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. On vient d'entendre la pièce Disconnect de I'm a Robot sur l'album Monument to the Masses. Ce qui m'intéressait dans cette pièce-là, entre autres, autre que le fait que j'adore cette pièce-là, c'est que ça n'arrête pas de chanter Hello Operator. Et c'était justement le nom du groupe qui était en position numéro 2 anglophone tantôt pour ceux qui suivent. Hein, c'était vraiment le fun. Avant ça, on a entendu du côté franco le numéro 1, Vulgaire Machin, avec Comptez les corps, la pièce titre de leur album, Comptez les corps, hein, leur meilleur album selon bien des gens. Ça a l'air de faire l'unanimité pas mal, cet album-là, Comptez les corps de Vulgaire Machin. Voilà pour la première moitié de C'était fou. Tout à l'heure, on va avoir Nicolas Duchamp, notre collaborateur spécial avec ses éphémérides de 2007. On va aussi avoir un extrait de l'émission Dans la forêt de Bambi, animé par Claudine Auger. Et un autre extrait, surprise. Je ne mentionne pas c'est quoi. Tantôt, soyez patients, ça sent bien. Dans vos oreilles. 89. 1. Bon, on vous écoutez toujours C'était fou, l'émission qui rembobine, c'est fou. Et cette fois-ci, on a choisi la semaine du 19 au 25 janvier 2007. Tout à l'heure, on va entendre d'autres pièces du top 15 francophone et du top 15 anglophone. On va aussi avoir les éphémérides avec Nicolas Ducharme. Mais avant ça, c'est le bloc extrait d'émission. Donc, on va l'entendre, un extrait de l'émission Dans la forêt de Bambi, diffusion originale 25 janvier 2007. Bonjour, chers auditeurs. Wow, je suis de retour après un mois d'absence pratiquement. C'est Claudine ici à la barre de l'émission Dans la forêt de Bambi. Non, je suis pas morte. Fait que me revoilà en pleine forme cette année 2007. Je vous souhaite à tous une très bonne année pour commencer. Et puis, je vous ai préparé une belle émission, une première partie chargée de trucs évidemment électroniques un peu plus récents et une deuxième partie électronique, et je suis allée quasiment à la limite du techno, là, je vous dirais, des choses que j'écoutais beaucoup autour des années 93, 94, 95. Je vous en dis pas plus. Et on y va tout de suite avec une toune de Luscious Jackson, Deep Shag. J'ai écouté beaucoup ça pendant les vacances des fêtes, fait que tiens, je me fais plaisir et je vous l'envoie tout de suite sur les ondes de C'est fou. Taking the side streets and I'm creeping down the alleyways and I'm feeling the cool breeze across my face. I'm losing a pound and I'm breaking to fix, 'cause I'm not fit to go on like this. Music in my Vous êtes toujours avec Claudine à la barre de l'émission dans la forêt de Bambi. Et oui, pour les, nos auditeurs fidèles, vous savez tous que nous avons une nouvelle console dans le studio et que moi, étant donné que je n'étais pas là la semaine passée, ben, c'est ma première expérience avec cette nouvelle console. Alors, on va jaser ensemble tout bonnement là, comme ça pendant que je check mes pitons et être certain que je pèse à la bonne place. Fait que 1, 2, 3, go! Donc, je voudrais vous souhaiter une bonne soirée et la semaine prochaine, je vous promets que ça va aller mieux. Bonsoir. Et je vous laisse en compagnie des jumeaux musicaux à 19h. Bye. On apprécie particulièrement la qualité sonore de nos archives en 2007. Hein. On a l'impression que c'est les années 80, mais non, c'est 2007. Non, excuse-moi, j'étais sûr que c'était sur celui-là. Attention, celui-là ici. Le 3. Le 3, celui-là. Le 3. Là, je suis là. Oui, t'es là, t'es là. Je m'entends. Je t'entends. Non, je m'entends pas. Ouais. OK, c'est correct. Tu vois la qualité sonore quand tu parlais tantôt, t'es pas très bon non plus. Genre non existant. Ouais, mais moi, je m'en ai dit, je sais pas qui animait ça, mais étais-tu le lendemain de veille ou. C'est un beau compliment, Yves. C'était un extrait de l'émission Dans la forêt de Bambi, diffusion originale 25 janvier 2007 avec Claudine Auger, qui a après ça abandonné son émission parce qu'elle est devenue maman. Oh, ben là, d'abord, tu finis ça en beauté comme ça, là. Ben oui. Ça, tu l'insultes un petit peu. Mais bon. Elle-même l'a dit à la fin de son émission, ça va être mieux la semaine prochaine. Mais j'adorais ça. Quand elle finissait son émission comme ça, là, c'était bien. J'ai eu des mauvaises inconduites de partie où j'étais le lendemain de veille, que je dormais sur la console pendant une entrevue préenregistrée. Mais je l'ai pas dit en ondes, au moins. Mais moi, je trouve ça humble. Ça va être meilleur la prochaine fois. Ouais, mais comme à un moment donné, je finissais les palmarès en disant est-ce qu'on en fait une autre la semaine prochaine? On verra. C'est bien. Donc, Nicolas Duchamp, c'est lui que vous entendez. Il vient nous voir une fois de temps en temps ici en tant que collaborateur spécial de C'était Fou pour parler des éphémérides. Parce que là, on a choisi la semaine du 19 au 25 janvier 2007. Dans le fond, je suis juste une pâle copie de Simon Fitzbay les vendredis pendant Rock Classique. Et voilà. C'est un peu une parodie. Sans l'intro viril. Oui, c'est ça. Les éphémérides. Ouais. Moi, je mérite pas ça. Là. Non, tu mérites pas ça. Non. Donc, tu me parles de 2007. Qu'est-ce qui s'est passé cette année-là? J'aime tout le temps les malaises avec tes jeux de mots. J'adore vraiment... aussi. C'est quelque chose. Mm-hmm. Hey, 2007, ça fait pas si longtemps que ça. Là, non, dans le fond, ça fait quoi, 4 ans? 4 ans, si on compte bien là, avec les mathématiques, ça fait... C'est pas mon fort. Hein. Plus ou moins 4 ans. Mm-hmm. Deux premières nouvelles, j'ai été avec des nouvelles geeks, juste pour toi. Ah! 9 et 30 janvier. Premièrement, le 9 janvier, présentation de l'iPhone par Apple. Le premier iPhone. Ben oui. Le premier iPhone. Donc, qui maintenant est une des grosses références au niveau de la téléphonie là, sur la planète. Mais à l'époque, c'était assez révolutionnaire ce qui sortait maintenant. Là, c'est un téléphone parmi tant d'autres, malgré la secte d'iPhoneux qu'on peut retrouver au Québec ou même ailleurs sur la planète. On pourrait dire qu'ils sortent un modèle par année, les iPhones, mais à ce moment-là... Au début, il n'y avait pas d'application. C'est seulement tu prends ce qu'il y a dessus, là, tu prends la calculatrice, pas d'App Store. Oui, ça a évolué. Chance, ça a évolué là, parce que sinon, il serait dépassé, merci. Mm-hmm. 30 janvier, sortie de Microsoft Windows Vista et Microsoft Office 2007. Ben oui. Donc, désolé à tous ceux qui ont acheté Vista. Finalement, on s'est rendu compte que ça valait pas de la crotte. Ben, ils peuvent pas le savoir, les gens, là. Non, c'est ça. Mais... Ben, étant donné que c'est un produit Microsoft, déjà, t'as comme une coche, tu sais. Non, ça pas pourrait nécessairement. Windows 7 est très correct. J'aime bien Windows 7. Oui, il est correct, 7. Mais ça a pris un bout avant qu'il sorte, après Windows Vista et après Windows, qui a eu Windows Millennium, Windows... Ben, c'est tout le temps de même avec Windows. C'est à tous les deux systèmes. Ouais, c'est ça. 98, t'as sa coche, Millennium, t'es pas bon. XP, t'as sa coche, Vista valait pas rien, puis Windows 7 est très, très bon. Donc... C'est pas compliqué. Après un bon, achetez-le pas tout de suite. Soyez patient. De toute façon, combien de monde avait XP et sont retournés à Vista? Combien de monde avait Vista et sont retournés à XP après? Mm-hmm. 26 mars, le Parti libéral du Québec remporte les élections générales, mais devra confirmer un gouvernement minoritaire. Le premier au Québec depuis 1878. Ça a comme monté dans une mode de gouvernement minoritaire hein, à ce temps-là. Bon, on l'a encore au niveau du fédéral. Ici, au Québec, ça s'est en allé avec l'élection suivante. C'est-à-dire que le PQ a repris un peu de chien, sont revenus un peu en force. Mm-hmm. La DQ, bon, ben, l'effondrement total. Mais à l'époque, on est passé bien près d'un gouvernement adéquiste, ce qui aurait été spécial. Moi, je suis pas contre les adéquistes nécessairement. Donc, ça aurait été spécial. Ça aurait pu donner de quoi d'intéressant. Peut-être brasser la cage un peu au Québec, ce qui se fait pas présentement. Du tout. 11 mai, Pauline Marois. Bon, là, on se souvient, je continue dans la même veine. Là, le bois clair qui s'est effondré à ces élections-là. On a vite vu qu'il fallait le tasser. Le 11 mai, Pauline Marois et Gilles Duceppe annoncent à 10 minutes d'intervalle à leur intention de se présenter à la chefferie du PQ. Le lendemain, Gilles Duceppe annonce cependant son désistement. Tu sais, Duceppe, il devait penser qu'elle allait être tout seule, ça allait être facile. Marois est dans le portrait, il y a des chances de ne pas gagner. Gilles Duceppe n'a pas le goût de perdre sa grosse pension à Ottawa. Là. T'sais, on est en élection présentement et on voit tout ce qu'il y a à faire, c'est chialer pour encaisser un gros chèque de son rôle de leader de l'opposition. Un des leaders de l'opposition encaisse son gros chèque, ne veut pas perdre sa pension. Donc, retourne là, ceux qui me disent que Gilles Duceppe fait de la politique pour les valeurs. C'est pas vrai, il le fait pour l'argent. 25 juin, mort du lutteur Chris Benoit. Ah, Chris. Tu viens de ça? Non. Tu te souviens pas de ça? Du tout. Chris Benoit, lutteur, quand même un des très bons lutteurs sur la planète. On parle donc WCW, WWEF, HTTP, WXYZ. 40 ans, s'est suicidé après avoir tué sa femme et son fils dans sa maison à Calgary. À vrai dire, c'est une histoire. Calgary Edmonton, je crois. Une histoire bien triste. Là. On dit que c'est les stéroïdes qui seraient en lien avec ça. Comme la majorité des lutteurs, Benoît était sur les stéroïdes. Mm. Donc, il aurait fait une crise de Il a pété la coche, un peu comme un schizophrène peut faire. Là, donc, ça a suivi là-dessus. Donc, c'est pas mal ça pour ça. Sport, on reste dans le sport. Coupe du monde de football. Le soccer. Coupe du monde de football des moins de 20 ans. C'était au Canada. C'était déroulé Toronto, Edmonton, Montréal, Ottawa, Victoria et Burnaby, qui est comme le Saint-Eustache de Vancouver. Okay. On a enregistré, tu sais, c'est une coupe des moins de 20 ans. Tu dis ça va attirer moins de monde, tu sais, tout ça. On avait battu le record d'affluence avec 1,15 million de personnes qui ont assisté aux rencontres qui sont déroulées à travers le Canada. Et félicitations aux gens de Montréal qui avaient rempli le stade olympique pour l'occasion. Ça avait été merveilleux. Ça avait été... Je pense que ça, c'est une des affaires qui a mis Montréal sur la map, qui fait que de plus en plus, on voit ça comme un hotbed de soccer au Canada, presque plus que Toronto. Où est-ce que le Toronto FC va très bien présentement? La finale avait toutefois été disputée au BMO Field de Toronto, parce que Toronto, c'est Toronto, il pique tout. Et c'est l'Argentine qui l'avait emporté. 2 juillet, il y a des algues bleues. Hein, on s'en souvient, les algues bleues. Ben oui. C'est quand t'as pas grand-chose à parler dans les médias, ben, mm-hmm, tu parles de ça, puis ça l'occupe l'été. 11 octobre, Jean Charest annonce un investissement de 30 milliards de dollars pour remettre en état les réseaux routiers, hospitaliers et scolaires du Québec. M'en déduire que c'est un investissement à long terme. Hein? Mm-hmm. Je sais pas, je suis venu ici, j'ai pogné des nids de poules, je suis malade, j'ai attendu, puis j'apprends toujours pas grand-chose à l'école. Mm. Oh, ben, calme. C'est pas vrai. Non, ça, j'espère. Donc, j'apprends bien des choses. Ouais. 2 décembre, Régis Labeaume était l'humeur de Québec. Regis. Tu sais, Regis, là, t'as Jean Charest qui dit des choses, qui fait pas grand-chose. T'as Regis qui parle en maudit, mais qui en fait en maudit des choses. Mm-hmm. Donc, je pense que c'est... Je me souviens, la mairesse Boucher était décédée cette année-là. Mm-hmm. Donc, on a dû aller en élection. Et Regis avait assuré le haut le pas, décidément, là, depuis ce temps. Et moi, je trouve qu'il fait un très bon travail. Ça a donné un pep à une ville qui était morne, qui était moribonde des années de Jean-Paul Lallier puis de André Boucher. André Boucher était moins pire. Jean-Paul Lallier, c'était juste chiant. Tu l'aillissais, mettons. Ben, c'est quelqu'un. Lallier. Il fallait l'expliquer. Hein. Ben oui, mais je te l'ai dit, je comprends pas tout le temps tes jeux de mots. Ils sont trop intelligents, c'est ça? Mettons. D'autres. OK. Donc, mais qui a fait des belles choses à date, là, et qui continue d'en faire. On va avoir un amphithéâtre, là, à Québec. Et que même, je sais pas, il a donné sa liste d'épiceries aujourd'hui aux candidats, différents candidats pour les élections. Monsieur Harper, Ignatieff, Layton, pas Duceppe parce qu'il n'y a pas de chance de gagner. Tout comme Elisabeth May. Donc, et qui demande infrastructure ici et ça. Et donne-moi des cadeaux, puis on va voter pour toi. C'est ce qu'il dit. Et en terminant, ben, c'est à soir que ça débute pour le Canadien en séries éliminatoires. Mathieu, je sais que t'es bien intéressé par ça. Je me pends à tes lèvres, là. Je le sais. Alors, je reviens sur les séries éliminatoires de 2007. OK, ben oui, bonne idée. Ceux qui s'en souviennent, le Canadien avait été éliminé au dernier match de la saison par les Maple Leafs de Toronto. À Toronto, match crève-cœur, on menait, je pense, 5-3, on perd ça. 4-2, on perd ça, 5-4, quelque chose comme ça. Ça avait fait mal, mais les Maple Leafs n'avaient pas réussi à faire les séries non plus avec une victoire des Islanders de lendemain. Donc, ça avait été les Sénateurs d'Ottawa qui s'étaient rendus en finale contre les Ducks d'Anaheim. Finalement, les Ducks d'Anaheim avaient remporté ça en 5 matchs. Donc, les Canadiens n'avaient pas fait des séries. Ce qui est contraire cette année, ça débute ce soir contre Boston. Et on va en parler amplement demain à l'inconduite de partie. Quelle excellente publicité. Entre 9 et 11 heures sur les ondes de C'est Fou. Un de mes chroniqueurs, Jonathan Bernier, est à Pittsburgh. Lui couvre la série Pittsburgh contre Tampa Bay. On va y parler demain. Le reste, on en parle ici avec l'équipe. Entre ça, ben, on va parler de hockey junior, les Cataractes qui... sont acculés au dos, là, sont acculés au mur plutôt, au dos au mur, qui perdent 3-1 leur série contre les Remparts de Québec. On va parler du reste de hockey junior majeur. Puis pour le reste, j'ai pas encore fini mes recherches. Je garde ça en surprise pour demain. D'accord, demain à 9h à la conduite de partie. 9h07 après les magnifiques nouvelles de Radio-Canada. Et 32 secondes et une pub après aussi. Et la pub aussi. C'est ça. Et bonne la pub. Ben, je sais pas, ça dépend laquelle, là. Ben, c'est les pubs de C'est Fou sont toutes bonnes. C'est pas vrai. Les miennes sont pas, je sais ce que tu veux dire. Mon auto-promo est pas si bonne que ça. Non, t'sais, c'est ça, j'allais le dire. Déjà vu un peu. Un petit peu, hein. La pièce est très originale, c'est ça? Ben oui, mais je me suis dit, on va y aller avec un bon vieux Blitzkrieg Pop des Ramones. Ben c'est ça. C'est pas comme si les sports étaient underground, de toute façon. Non. Non, c'est. C'est pas comme si c'était pas mainstream. Ben, ça dépend. Tu sais, quand je couvre les Patriotes de l'UQTR, ça reste un sport. Le sport universitaire est underground quand tu compares avec le Canadien de Montréal. Bon, OK. Donc, j'avoue que mon insulte était boboche, mais quand même. Elle était pas boboche. C'était bien tenté. Oui, quand même. Mais tu t'es fait... renvoyé dans le nez. Ben, c'était à moi que t'as donné. Avec, je savais que j'allais trouver quoi, là. T'es un gars qui se défend. T'es comme un défenseur, comme dans les sports, là, une référence de sport que je. Et voilà, c'est correct. Non, c'est bon. Je l'ai donné. C'est pas pire. J'ai un bon échec avant aussi sur tes insultes. Là, tu me parles. Moi, je te parle. C'est quand le gars, il fonce sur l'autre gars, puis ça donne de quoi de bon pour imiter Denis Lemieux dans Slapshot. Okay. Là, tu me perds aussi. Ben là. Tu me perds vraiment partout en Phoenix, dans la vie. Denis Lemieux. Denis Lemieux. OK. Je te le montre après l'émission. OK. L'interview de Denis Lemieux, en anglais en plus. Okay. Dans Slapshot, en anglais, mille fois meilleur. Denis Lemieux, gardien de but québécois, se retrouve dans une émission de radio avec Jim Carr, ou c'est une émission de télé, un des deux, avec Jim Carr, et Jim Carr lui demande, « Denis, qu'est-ce que c'est qu'un accrochage? » Accrushing is when you hit le bâton on the side of the guy. It's not okay, not okay. You can't do that. Not you go penalty the box and shame. Ça ressemble à ça, ça ce que Denis bon, Lemieux dit. En français, c'est juste drôle parce qu'il a l'air un peu imbécile. Mais en anglais, tu comprends que c'est juste parce qu'il parle pas pantoute anglais. Puis c'est le bon vieux cliché du gardien de but québécois qu'on peut retrouver. Qu'on retrouve moins, là, mais qu'on retrouvait beaucoup dans le hockey professionnel dans les années 70, 80 et 90. Ouais. Dommage les blagues qu'on peut perdre en français. Hein. C'est bon. Ben, Slapshot reste un des meilleurs films qui a été traduit à travers le temps. Oui, ben oui. C'est... Pour en rire. Ben, qu'est-ce que tu veux dire pour en rire? Ben, parce que si tu regardes pas, tu trouves pas que c'est une bonne traduction en tant que telle. Oui. Oui, hein? Oui, je trouve que Slapshot est une excellente traduction. Okay. Comme tu dis, on perd tellement de blagues, tellement d'essence du film, tellement de rire quand un film est traduit. Slapshot a le mérite d'être plus drôle en français qu'en anglais. Okay. Ou presque. Il a le mérite d'avoir gardé l'authenticité qui était voulue avec le film. Ça se compte sur les doigts, les films que je dis qui sont plus drôles ou aussi drôles en français qu'en anglais. Basketball aussi, que je reste dans les sports un peu. Là, basketball aussi, qui était très bien traduit. Avec les gars de South Park. Là. Avec les gars de South Park, exactement. Donc, je te ramène un peu. Là. Oui, un peu. Quand tu fais une référence télé, ça va mieux qu'une référence film. Ou de sport. Ou de sport. Donc, les gars de basketball là, qui avaient bien été traduits. Les Simpsons aussi. Oui, ben oui. Tu sais, les Simpsons, c'est bien traduit, mais la majorité du temps, quand c'est traduit en français international, ça donne rarement des bons résultats parce que Benoît Marleau n'y est pas. C'est ça. Bon, j'aimerais en parler plus longtemps avec toi, mon Doskité. Merci beaucoup, Nicolas Ducharme. Ça fait plaisir. Si tu veux rester avec moi quelques secondes, je te présente un autre extrait d'émission. Vas-y. J'y vais avec un extrait qui, en fait, ça va surprendre les auditeurs parce que c'est une des seules émissions qui n'a duré qu'une seule semaine. Oh. Je te fais entendre ça, tu me diras ce que t'en penses. Oh. Les studios de C'est fou à Trois-Rivières. C'est les palmarès en accéléré. Bonjour et bienvenue au palmarès en accéléré. Je m'appelle Juliette. Chaque semaine, je vous propose d'entendre ou de réentendre le palmarès francophone de C'est fou en rafale. On commence tout de suite avec les nouvelles entrées de la semaine. Les trois premières positions du palmarès francophone de C'est fou au palmarès en accéléré. Écoutez les palmarès francophones et anglophones de façon intégrale les vendredis et samedis soirs de 17h à 20h. On se laisse sur une pièce qui a déjà figuré sur le palmarès francophone de C'est fou. Votre journée sur nos ondes continue avec les culturistes qui nous suivent à 13h. C'est Juliette qui, étant une femme robot, n'a pas de sentiments et qui vous souhaite quand même une bonne journée. Vous avez compris pourquoi ça n'a pas duré, c'est pas très bon. Hein? Mais là, tu faisais-tu jouer les tunes rapidement? Non, c'était le top 10 francophone qu'on faisait jouer dans une case horaire d'une heure. Donc, vu qu'on n'avait pas beaucoup de trous dans la grille horaire, pendant une heure, Juliette, dans le fond, animait cette émission-là. C'était un text-to-speech, donc on passe le texte. C'est la même qui fait nos identifications de station des fois. OK, moi je pensais que tu... faisais comme les bêtes. Je pensais que tu faisais comme les bêtes, puis tu passais ça dans l'accélérotron, le palmarès au complet. Ça aurait sûrement été meilleur, en fait, que ce que ça a donné. Non, mais Juliette, dans le fond, le text-to-speech, je lui avais fait faire une fois le texte au complet de l'émission. Donc, il n'y avait aucune personnalisation, c'était la même voix. Mais en fait, ça aurait été la même voix chaque semaine si ça avait duré plus qu'une fois. Et puis, on passait le top 10 en bloc de 3 et disait voici les positions 10, 9 et 8. Ouais, c'est ça. C'était super ennuyant, vraiment plate. Donc, à la place, quand l'horaire s'est libéré un peu, on a décidé de rediffuser les palmarès C'est fou au complet pendant 3 heures, donc dans le fond. Comme on le fait présentement. Et avec une meilleure case horaire que les vendredis et samedis soirs de 17h à 20h à cette époque-là. Bref, c'était donc les palmarès en accéléré à cette époque-là. Tu parlais de l'accélérotron des betteraves hurlantes. On a déjà essayé pendant une bonne session et quelques au palmarès C'est fou. On faisait l'anti-accélérotron. Ça s'appelait le décélérotron. Yeah. OK. et on diffusait une pièce connue des Palmarès au ralenti pendant à peu près 2 minutes. C'était complètement insupportable, mais ça a duré une bonne session. Je pense que c'est juste les bêtes qui réussissent à faire de quoi de solide avec un concept aussi niaiseux c'est que ça. Mais c'est que ça passe vite, une pièce de 4 minutes en 2 minutes, ça, ouais. Ça se fait vite, puis c'était diverti, alors qu'au ralenti, tu t'endors. Ben ouais, c'est sûr. Je n'ai que des bonnes idées, comme tu peux voir. Au moins, j'essaie des choses dans la vie, ça. Je pense que tu n'as pas été, genre, avec Hurricane de Bob Dylan, à dure 8 minutes, à ralenti. 32 minutes. 30 minutes minimum. Ouais. Donc, voilà, pour cet extrait bonus, ça a donné que c'était dans la même semaine que dans la forêt de Bambi. Je suis tombé dessus complètement par hasard. Le fichier s'appelait pas correctement. Je l'ai ouvert et c'était ça. J'étais super surpris. Une émission qui n'a duré qu'une semaine dans une case d'une heure. Quel beau hasard. Ça va être la fin de l'émission de cette semaine pour C'était fou et c'est la dernière émission régulière de C'était fou. On va se retrouver la semaine prochaine quand même, ou en tout cas la prochaine fois, avec une édition spéciale numéro 1. On va passer en revue les positions numéro 1 de plusieurs années à travers le temps. Et là, on parle vraiment d'années. On a déjà fait dans cette émission, à un moment donné, des numéro 1 au hasard pendant années. Ouais. Là, c'est des numéro 1 de l'année, donc que des gros hits. Petite étoile relative à C'est fou. On a eu du très bon. Quand même. Il y a du stock. C'est juste que nous, on a le mérite de le faire jouer avant tout le monde ailleurs. Et voilà, bon point. Et voilà. Tu dis la vérité tout le temps, toi. Mais là, tu fais-tu ton spécial été cette année? Spécial été de fin de session. Fin de session, ouais. Ouais, ben ça va être une émission spéciale d'assemblage requis qu'on va faire. OK, mais allons jouer dehors, là, à la sauce? Non, pas sûr. Ben, on avait fait ça, là. Ouais, on aurait pu. Genre, on arrivait avec des CD, puis on s'assisait, puis il y avait des animateurs qui restaient là trop longtemps. Là. T'aimes ça insulter subtilement les gens, j'aime ça. J'ai pas visé personne. Non, mais quelqu'un qui pourrait se sentir visé, mais on. Je vise. On saura jamais qui. Pas nécessairement. Je veux dire, moi-même, je suis resté longtemps. Que peut-être que je me vise moi-même. Là. Peut-être que c'est ça, mais peut-être. Ben, c'est une bonne idée pour le 1er juillet. Je te garantis pas, mais d'habitude, on fait une émission spéciale. Spécial déneigement. Déménagement. Voilà. Bref, c'est tout pour C'était fou. On va se retrouver, comme on disait, la semaine prochaine avec une édition spéciale numéro 1. Je remercie évidemment Nicolas Ducharme, collaborateur spécial. Ça fait plaisir. Je remercie Alain Lefebvre, directeur musical et directeur à la programmation pour son aide à la recherche. Vous pouvez retrouver les notes de l'émission et télécharger les balado-diffusions sur assemblagerequis.com. On se quitte avec Jack Adapter qui était en position numéro 12 côté anglophone pour la semaine du 19 au 25 janvier 2007. C'est Chocolate Malted. Passez une excellente journée, fin de semaine, moment donné, peu importe quand vous allez écouter cette émission-là. Finalement, on s'en fout dessus, genre. Passez une belle journée. Un bon temps. A good time. Have a good time. I hope you had the time of your life. Bye. Stay with my brother. Visit my mother. She bring me ham sandwiches and beer. I make friends with my sister. Usually I resist her and a giggling friend. And when I disappear into my room, lie on my bed and I dream. Yeah, chocolate malted, all I ever wanted. Chocolate malted, simple and real. Chocolate malted, all I ever wanted. Chocolate malted, the way that I feel. I go back to school, I follow all the rules. My homework will be done every day. I lie to all the teachers, so hard to reach us, and our games are silly friends when we disappear into the past. I lie in the grass and I dream. Yeah, chocolate malted is all I ever wanted. Chocolate malted, so simple and real. Chocolate malted is all I ever wanted. Chocolate.